Le comité préparatoire pour le 7e congrès du Parti du Travail de Corée est constitué le 30 avril à Kampala, Ouganda. Il a décidé d'organiser significativement des cérémonies politico-culturelles pour exalter les exploits mortels du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, accomplis pour la fondation et le développement du Parti du Travail de Corée, et soutenir la cause du Parti coréen à l'occasion de son 7e congrès.